Bonjour, bonne matinée. Je suis revenu avec la question de l'André, là. Je trouve ça intéressant. Puis, dans le psaume 139, voyons ce qu'il a dit. Ah oui, voilà. Au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bon, je peux déjà entendre certaines personnes qui disent pas moi. Puis d'autres qui disent « Yes! » Hein, c'est parce qu'ils se pensent super. Mais je ne pense pas que c'est le sens du passage. Juste pour répondre à qu'est-ce qu'on peut observer de Dieu, qu'est-ce qui nous marque? Ben, c'est que le sens de créature, c'est merveilleuse ici, il faut le comprendre. Première chose, c'est que Dieu nous a créés. Et on a la possibilité, l'opportunité d'observer sa création. Et dans Ecclésias, il est dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme, de tous les hommes, la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, ça veut dire, hey, je suis qui moi? Je fous quoi ici? À quoi ça sert? Où est-ce que ça mène? Puis là, j'apprends qu'on va mourir. Qu'est-ce qui arrive quand je meurs? Puis là, on peut avoir toutes sortes de sentiments, mais la question est plantée. Mais dans le fond, c'est que Dieu a mis cette pensée-là pour qu'on se la pose, la question, puis on cherche à comprendre. Et en plus de ça, ben, il nous a donné des sens. Hein. Ça m'a pris un petit peu de temps tantôt en réfléchissant, là, c'est quoi donc des sens? Bon, on a l'ouïe, on peut entendre, puis on s'en rend compte que c'est précieux quand on commence à le perdre. Hein, Mance? Bon, et Christian, es-tu là, là? Oui, Christian. Hein, Christian? Oui, voilà. Louis, la vue, ça aussi, quand on commence à porter des lunettes de plus en plus épaisses, hein, on s'aperçoit que c'est un sens que Dieu nous a donné. L'odorat, il y en a qui ont ils ont perdu l'odorat, hein, madame? C'est revenu. Oui, c'est revenu. Mais quand on ne l'a pas, là, quand tu perds l'odorat, tu perds aussi le goût. Hein? Tous ces sens-là, il en reste un, je vais le dire, là, mais tous ces sens-là nous permettent d'être en contact avec la création que Dieu fait. On est capable de voir la diversité, les goûts différents. Les enfants, Philippe, lui, il tripe là-dessus. Il insiste que les enfants goûtent à tout. Les épices, les affaires, il faut qu'ils goûtent à tout, là, pour développer les papilles gustatives, puis qu'ils en arrivent à être capables de discerner les choses, puis être capables d'apprécier ce que Dieu a fait. Fait que tu as tous ces sens-là. On a aussi le toucher. On est capable de toucher aux choses. Hein? Puis il nous a donné l'intelligence pour être capable de questionner, analyser, comprendre ce qui se passe autour de nous. Puis il nous a donné la parole pour être capable de communiquer entre nous. Hein? Puis il nous a donné être capable de bouger, se déplacer. Tout ça, là, c'est tout ça pour sa gloire. C'est dans ce sens-là qu'il est écrit, on est une créature si merveilleuse. Wow! Tu sais, on est capable de tout faire ça. Puis notre esprit, notre âme habite dans ce corps-là avec toutes ces options-là. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient occuper nos pensées avec toutes sortes de niaiseries. Il vient occuper nos sens avec toutes sortes d'affaires. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est vraiment ça. Il vient nous distraire de ce que Dieu veut. Mais si on reste attaché à lui, on est capable d'observer plein de choses de ce qu'il fait. Et ça, c'est extraordinaire. Bon. C'était pas mon sujet ce matin. C'était juste que tu as posé la question, subis la réponse. Non, mais c'est vrai. Quand on s'arrête à tout ce que nous est donné, comment c'est précieux ce que Dieu nous a donné, il reste à l'utiliser à bon escient. C'est ça l'affaire. Bon, le sujet ce matin, c'est la prière. Puis, Christian, je vais juste revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, juste pour positionner ce que moi je vais faire. Puis je ne peux pas rentrer dans son cerveau. Si vous me demandez, là, si on parle de gestion, de vue d'ensemble des affaires, certains sujets que j'ai à cœur, regarde, je vais y aller. Mais ici, c'est vraiment plus le sujet que Dieu a mis dans le cœur de Christian. Puis ben, je vais plonger dedans avec qui je suis, là. Puis j'avoue sincèrement que première réaction à la prière, là, c'est me mettre à genoux dans le coin là, pendant 2 heures. Non, c'est pas. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, je vais juste vous expliquer ce que moi, je comprends. Ça vous tue? Fait que là, puis Gilles va vous donner sa version de comment il comprend. Puis vous avez la vôtre. Puis en échangeant ensemble, on va arriver quelque part. Mais qu'est-ce que Christian a fait, c'est qu'il a introduit le sujet. Puis, pourquoi enseigner sur la prière? C'est ce qu'il a parlé. Bon, j'avais oublié qu'il y avait tout ça, là. Mais il a fait le... Pourquoi qu'on enseigne le sujet? Parce que Dieu veut que sa maison... Nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que vous savez ça? OK. Fait que, donc, plusieurs passages que Dieu a mis à cœur, qui nous a donné, en fait, pour insister sur le fait que nous sommes sa maison, nous, puis qu'il est notre Père, il est le Seigneur de la maison, et il veut qu'on vienne à lui. Okay? Donc, pourquoi enseigner là-dessus? Parce que c'est fondamental. La prière, c'est pas juste parler à Dieu puis faire des requêtes. C'est ça, moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Puis, il a donné des types de prières. Fait que action de grâce, c'est vraiment des remerciements à Dieu. Intercession, je prie pour quelqu'un d'autre. Repentance, quand je confesse mes fautes au Seigneur, puis je lui demande pardon. La louange, elle peut être toutes sortes de formes. On va revenir un petit peu là-dessus. Puis, l'adoration, OK? La louange, c'est des paroles. L'adoration, c'est pas nécessairement des paroles. On pourrait-tu aller sur ce terrain-là, là? Hein? Puis, je vais revenir là-dessus, mais ça, c'est des types de prières. Alors, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est les sujets importants de prière collective. Je corrigerai M. Rousseau si je m'égare. Mais pour le faire, moi, j'ai pensé de faire deux choses. Apporter une réflexion sur les sujets collectifs, qu'est-ce que ça veut dire, puis aussi sur la façon de prier. Donc, dans quelle attitude prier? Alors, sur les sujets collectifs, lorsque l'Église est assemblée, on est tous ici ensemble, lorsqu'on est en église maison, on est un petit peu plus petit groupe, puis on est plus dans un coin quelque part, Saint-Lambert, Ottobon Park, Saint-Charles, on est plus en train de faire quelque chose dans notre coin. En famille, c'est collectif aussi, est-ce qu'on prie en famille? Puis en privé, je vais dire en privé, c'est pas collectif, ben ça dépend. Si je prie juste pour moi-même, c'est privé, mais si je prie pour les autres, ben, je suis dans le collectif encore. Mais je peux être aussi en train de prier avec un frère, une sœur, dans une situation particulière, ou avec un incroyant, dans une situation particulière. Fait que, mettons qu'il y a quatre niveaux là, que j'ai mis pour la faire. Alors, si j'y vais par rapport à l'Église assemblée, nous ici, là, quand on se rencontre le dimanche matin, on a des demandes, les frères demandent est-ce qu'il y a une requête de prière. Puis, il me semble qu'on devrait les avoir, les requêtes de prière. Par exemple, notre gouvernement provincial, fédéral, les gens qui sont là, ils prennent des décisions. Hein? Il y a des projets de loi. Il y a des projets de loi qui ont un impact sur nous, qui ont un impact sur la société, qui ont un impact sur la justice, sur l'enseignement. Fait que quand on est au courant de quelque chose qui se passe, puis peut-être l'Église n'est pas au courant d'un certain sujet, ben, ça peut être amené comme requête de prière quand on est tous ensemble ici, puis on prie là-dessus. Puis il y a des événements mondiaux, ce qui se passe en Israël. En fait, ce qui se passe en Israël, là, c'est le Moyen-Orient, hein? C'est pas juste Israël. C'est pas juste Israël puis la bande de Gaza. Tout le Moyen-Orient est impliqué là-dedans. Puis par défaut, les Russes, les Chinois, les Américains, nous autres, on est tous concernés. Donc, est-ce qu'on peut prier sur ce sujet-là, par exemple, en Église ici, pour comment Dieu dirigera par l'Esprit? Notre association d'Église, hier on en a parlé un petit peu, on fait partie d'un regroupement de 500 Églises, juste notre association à nous, l'Église baptiste évangélique au Canada, mais il y a d'autres, il y a l'Union, l'Union baptiste, que c'est un autre regroupement qui est pan-canadien, il y a, je ne sais pas combien d'églises, puis tu as les Southern Baptists, puis tu as les Pentecôtistes, puis tu as ci, puis tu as ça, tu as un paquet de monde. Les églises réformées, il y en a moins, mais il y en a. OK, ben, tout ce monde-là, est-ce que on pense à l'impact qu'on a? Est-ce qu'on pense aux besoins? Ceux qui sont les leaders au niveau canadien ont accès au gouvernement, au fédéral. Puis, dernièrement, ils ont écrit une lettre, là. Je vous donne un exemple. Le ministre de la Défense a déclaré interdit au général, l'aumônier général ou le général aumônier des Forces armées canadiennes de mentionner le nom de Dieu lors de l'armistice le 11 novembre. Donc, quand il va prier, il ne peut pas mentionner le nom de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver s'il le fait? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir, mais je suis curieux. On en est rendu là, là, qu'on donne des interdictions de mentionner le nom de Dieu. Mais c'est des croyants, là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait quand tu reçois une interdiction? Mais aussi les projets dans l'association ou des tendances qui commencent à rentrer dans l'association, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est quelque chose qu'on peut prier ensemble, tout le monde ici. Prier pour les anciens, les responsables de ministère. Ministère des femmes. Il y a trois femmes, trois ou quatre femmes, j'ai oublié là. Trois ou quatre qui sont ensemble. Puis qui planifie des affaires. Valérie, tous les mardis, religieusement, elle est là avec des femmes qui se présentent, puis ils étudient la parole de Dieu ensemble. Mais elle était aussi le vendredi soir, c'est pas recommencé, mais ça devrait recommencer. La jeunesse. Tu sais, la jeunesse, là, c'est du sport. Puis ben, ceux qui s'en occupent, ils ont un défi. Est-ce qu'on prie pour eux, les responsables de la jeunesse? Pour qu'ils aient la bonne attitude, qu'ils persévèrent, qu'ils ne lâchent pas, ne se découragent pas. Des fois, le petit nombre, je reviens au ministère des femmes, hein, le nombre, Valérie soupire qu'il y en ait plus. J'aimerais ça que les femmes invitent des femmes, les voisines, à venir s'asseoir, jaser. Même chose de la jeunesse. On soupire que les jeunes amènent des amis avec eux autres. Le ministère des hommes, le samedi, une fois par mois. Ben, l'assiduité, qu'on ait des bons liens entre nous. L'unité des affaires, le bâtiment, Philippe en a parlé hier, un soupir après des bras pour aider à faire les projets qu'on a à faire. On ne veut pas accuser personne, mais ça, c'est des sujets de prière qui sont à ce niveau ici, si vous me suivez. Mais on fait rarement ça. On en parle, mais on ne le fait pas vraiment. Puis nos partenaires, ben ça c'est les églises, les autres églises avec qui on travaille, que nos liens se renforcent, qu'on soit un bon témoignage ensemble. Mais notre témoignage aussi en tant qu'église dans la communauté, qu'on ait un impact. Honnêtement, là, autre que la pancarte qui est en avant de la porte, là, les gens qui viennent ici, ils nous trouvent, là, si je demande à Lisbonne, si je demandais à Valérie, je suis jamais capable de dire le nom du monsieur là, qui vient de temps en temps, là, qui sont ici haïtiens, là, ils viennent de temps en temps là. Ils nous ont trouvés dans le bottin. Tu nous as trouvés comment, Diane? Tu marchais en avant par accident, tu nous as vus? Non, ça a commencé quand mon épreuve était bien difficile, mais j'ai regardé sur mon cellulaire, j'ai marqué Église chrétienne Mont-Saint-Hilaire. OK, c'est mon point. C'est, on nous trouve quand on cherche une église quelque part. Mais est-ce qu'on entend parler de nous dans la communauté autour de qu'est-ce qu'on fait, notre témoignage, etc.? Est-ce que ça va ici? C'est un sujet de prière, qu'à quelque part, Dieu nous utilise. Ben, merci Seigneur qu'on est dans le bottin téléphonique puis sur Internet, puis que malgré le fait qu'on ne nous connaît pas vraiment, le Seigneur amène des gens ici, puis on sait, il en amène régulièrement. Okay? Un coup qui arrive, ben là, ça relève plus de ça relève de la personne qui vient, ça relève de ce que Dieu va faire. Mais il me semble que c'est un sujet de prière à ce niveau-ci. Fait que on peut revenir là-dessus tantôt. Mais en église maison, oh, excuse-moi, il va à la prochaine. En église maison, ben on peut encore prier pour les dirigeants. Mais moi, je pointerais plus vers notre communauté. Qu'est-ce qui se passe à Otterburn? Qu'est-ce qui se passe à Mont-Saint-Hilaire? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Lambert? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Charles? Parce qu'on est des gens de la communauté. Fait qu'on a à cœur notre localité. Fait que prier pour le maire, les conseillers. Dans le temps, c'était les échevins, là, c'est les conseillers municipaux. Priez pour eux autres, priez. Il y a quelque chose qui se passe dans la communauté, là. Il y a un événement qui est arrivé, quelque chose, on est au courant. Bon, on peut prier pour ça. Notre témoignage, parce qu'on peut bien faire des pas, là, mais si Dieu ne bénit pas, c'est difficile de persévérer dans ce qu'on fait. On a de la misère, des fois, on a envie de débarquer. Nous, on est très impliqués à Saint-Charles. On fait du On a la nourriture qui nous est donnée 2-3 fois par semaine, puis on la distribue dans Saint-Charles à des gens autour de nous. Et puis, ils savent qu'on est chrétiens, là, mais ils ne viennent pas. Ils sont contents, ils viennent chez nous même, là, puis ils savent qu'on est chrétiens, là, puis on les invite à venir à notre rencontre une fois par semaine. Mais non. Bon, alors là, on va se poser la question, c'est-tu nous autres qui n'a pas la bonne attitude, tout ça? Ben, ils viennent, hein, on parle. Mais c'est pas nous qui changent les cœurs. Mais est-ce qu'on prie vraiment pour que le Seigneur change leur cœur puis qu'ils viennent? Ouais, on le fait, mais est-ce qu'on le fait aussi intensément qu'on devrait le faire? C'est ça la question. Est-ce que c'est un fardeau qu'on a? Notre implication aussi, Seigneur, ouvre des portes qu'on puisse s'impliquer. Puis aussi les besoins de chacun qui est présent dans l'église maison. Fait que c'est d'une famille, l'autre famille, l'autre famille. On ne rentre pas nécessairement dans le détail d'une personne en particulier, mais assez, je trouve, que ça va. OK? Après ça... En famille, on va y arriver. C'est pas, j'ai pris le même PowerPoint que Christian, hein, puis il a mis un petit bidule d'animation là-dedans, là, que moi, j'utilise pas. Là, je suis pogné avec. J'aurais dû le refaire à zéro. Bon, en famille, les parents, là, papa, il va travailler, puis il ramène le père à la maison. Maman, peut-être qu'elle va travailler aussi, mais peut-être que maman est à la maison, puis elle est débordée. Et quand on a 7, là, c'est difficile d'aller travailler. Quand on a 6, c'est difficile. Tu peux le faire, hein? Mais c'est qui élève les enfants? Fait que le travail des parents, en famille, autour de la table, là, lors des repas, on peut-tu... moi, je vois ça, on rend grâce, là, mais c'est assez vite, merci. Puis est-ce qu'on est reconnaissant? Les professeurs de nos enfants, bon, si vous n'avez pas d'enfants, là, les enfants de l'Église, ici en passant, là, tous les enfants qui sont ici, là, c'est tous vos enfants. Même Lucas, là, ça, là, c'est tes enfants pareils. ouais, moi j'ai arrière-grand-père. Bon, fait que non, mais de prier pour eux autres, de prier pour les professeurs de ces enfants-là. Prier aussi le témoignage de la famille, puis le témoignage à l'école, le témoignage au travail, que Dieu nous utilise. Les besoins dans la maison. Il y a des choses à réparer, il y a des choses à faire. Moi, j'entends souvent, plus il y a de monde dans la maison, plus c'est à l'envers, puis t'as beau faire le ménage. Si tu réussis à faire le ménage, il y a un signe chez nous, quand tu rentres dans la maison, c'est marqué, la maison était vraiment propre la semaine passée, c'est plate que vous ne soyez pas venu, tu sais, fait quelque chose du genre, là. Ben, c'est parce que c'est comme tout le temps à refaire, on peut se décourager. Il y a des besoins dans la maison, il y a des travaux à faire, on ne sait pas toutes les faire, il faut les prioriser. Si je remontais à l'église ici, le bâtiment, il y a des travaux à faire et on ne réussit pas à toutes les faire. Mais encore là, les besoins de chacun. Mais là, c'est la famille, hein? C'est boy, le frère qui est intéressé à ce qui arrive à sa sœur et vice-versa, hein? Ou qui est intéressé à ce qui arrive à un des parents, qu'on est intéressé aux besoins de chez nous. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à faire. Puis, ça... Je vais aller là, ça va arriver. Fait que là, c'est des sujets, OK? C'était quel genre de sujet on peut aborder. Mais quand on est tout seul, ben est-ce que j'ai une attitude tout le temps appréciative, si ça se dit, hein, de ce que Dieu fait? Est-ce que je suis conscient en permanence de ce que Dieu fait? Est-ce que ça peut être spontané? Tu sais, tu vois quelque chose, tu arrêtes, tu prends une pause. Hey, ça peut être « Merci Seigneur », ça peut être « Wow, c'est impressionnant, wow ». Mais être impressionné, ça peut être aussi « Je viens d'être mis au courant de quelque chose, puis je vais arrêter 2 minutes, là, puis je vais mettre la situation devant le Seigneur ». Tu sais, on reçoit des courriels des fois, prier pour telle affaire. Moi, je suis très honnête, là, quand il rentre un courriel qui dit « Prier pour telle affaire », si je ne prie pas là, je prierai jamais là-dessus. Fait que je prie là. Mais le Seigneur, il a entendu. Hein? Si on prie, il entend. Donc, moi, je sais qu'il a entendu. Si on va dans Matthieu 6, hein, il dit, là, faites pas comme les païens là, qui racontent la même histoire tout le temps, là, qui répètent les mêmes affaires, des longues affaires, puis ils répètent tout le temps. Non. Quand tu parles à Dieu, parle-y, il a entendu. Est-ce que tu crois que Dieu a entendu? Oui. Moi, je le fais on the spot. Je dis pas que j'ai raison, je vous dis comment moi je le vois. Parce que je sais que si je prends le courriel puis je l'envoie dans la boîte avec laquelle il va, j'y retournerai pas. OK? Pourquoi? Parce qu'il en rentre d'autres, il y a tout le temps quelque chose. On revient au sens, hein? Le diable, il fait en sorte que nos sens sont tout le temps occupés, là, saturés. J'ai pas le temps. Fait que si je prends pas le temps quand ça arrive, par défaut, je sais que je prendrai pas le temps. Il y a aussi des prières de longue haleine, que c'est quelque chose, un sujet récurrent. Tu soupires après Dieu. Tu sais, prier, là, c'est pas nécessairement dire quelque chose. Mais c'est clair dans tes pensées, c'est clair dans ton cœur. Puis c'est comme un soupir, des fois, de tu soupires après quelque chose, mais tu en même temps, t'acceptes qu'il faut que t'attendes. Mais tu sais que Dieu a entendu, mais c'est dans tes pensées. Ça, c'est plus du long haleine. Je vais pas nier que ça, c'est dans mes pensées. Mais je ne suis pas nécessairement à genoux dans le coin en train de prier. Tu sais, on a toutes sortes de gens qui nous expliquent toutes sortes d'affaires. Il y a des livres écrits sur la prière. Même lu un livre, « Une heure avec le Seigneur tous les jours ». C'est intéressant, là. Il prend le modèle du Notre Père. Fait que tu prends 5 minutes pour parler à Dieu de Dieu, qui est Dieu. Puis après ça, tu prends une pause de 5 minutes. Puis après ça, tu vas parler de, je ne me souviens plus du sujet, là, mais tu descends tranquillement vers tes besoins, mais c'est toujours du plus haut vers le plus bas. Mais à chaque fois que tu prends 5 minutes pour parler à Dieu, tu prends 5 minutes, tu dis rien pour écouter. Il pourrait t'arriver un flash. Ah, j'ai eu un flash. Ouais, tu peux dire que c'est un flash où l'Esprit de Dieu t'a montré quelque chose. Tu comprends? Fait que ça, c'est une approche. Il y en a d'autres, j'ai oublié le livre, là, Jen va me le dire peut-être, là. Mais tu as un coin de prière, puis tu écris tous tes sujets de prière, puis tu vas te cacher dans ton coin, puis tu passes au travers de toutes tes prières. OK? Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou pas bon. Mais les gens se donnent des outils, des façons, selon les personnalités, pour prier, prendre du temps pour prier. Mais c'est clair que si je n'ai pas une liste, au moins dans ma tête, il y a des sujets que je vais négliger. Si j'ai une liste, là, je vous ai donné, hein, en église, on peut prier pour ça, ça, ça. En église maison, on peut prier pour ça, ça, ça. En famille, puis personnel. Mais je m'en vais vers c'est ça ici, pour soi-même, hein, pour ou avec quelqu'un d'autre. Tu sais, quelqu'un te parle d'un besoin, on peut bien raisonner et donner des solutions humaines, là, mais si Dieu n'est pas là dans la solution, le conseil, il ne vaut pas grand-chose. Mais si on peut échanger sur quelque chose, mais on prie que Dieu donne sa sagesse, que Dieu change les événements. Savez-vous ça, que Dieu change les événements? Il change les agendas, il change tout. Dieu est le maître de tout. Moi, personnellement, Jocelyn n'est pas là pour se défendre aujourd'hui, là, mais j'avais dit à Jocelyn une fois, en parlant de comment Dieu est présent dans ma vie, moi là, mon agenda est chargé, là, puis souvent, j'ai des conflits d'horaires. 3 affaires qui arrivent en même temps. Je n'ai pas à décider, là, il me règle tout le temps. Il déplace les affaires. J'ai juste à dire, OK, là, regarde, Seigneur, j'en ai 3 en même temps, je fais quoi, là? Ah, une fois, j'étais dans l'auto, j'avais 2 rendez-vous en même temps. Je suis dans l'auto, je pars de Laval, puis je descends à Montréal. Je suis dans l'auto, je dis, Seigneur, c'est impossible, là. T'sais, regarde, je ne peux pas être à 2 places en même temps. Là. Je ne peux pas être à Laval à midi, puis être à centre-ville de Montréal, dans le bureau, à midi et quart, là. Tasse le trafic, ferme les yeux aux policiers, fais quelque chose, ou déplace le rendez-vous. Je suis dans l'auto, le gars avec qui j'avais un rendez-vous, il m'appelle, puis il me dit, bonjour Jean-Claude, je suis désolé, je vais être en retard. Ah! Je dis, vraiment désolé, est-ce que c'est possible de se réorganiser? Ben écoute, tu peux-tu être là 1 heure? Tu sais, si t'es là 1 heure, je vais m'organiser. Oui, parce que je suis dans le trafic, moi aussi j'espère d'être là 1 heure. Tout le temps. Est-ce que Dieu prend soin de nous? Oui. Des fois, c'est poussé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça va déjà arriver, là. Tu te réveilles la nuit, ou des fois, tu es en train de faire quelque chose, puis là, tu as quelqu'un qui vient dans tes pensées. Hey, pourquoi je suis réveillé à 2 heures du matin, tout allait bien, je suis réveillé, puis la seule affaire que j'ai, c'est cette personne-là qui est dans ma tête. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne sais pas, c'est quoi son besoin. Mais si elle est là, je vais prier pour elle. Je vais prier que Dieu lui fasse du bien. Je ne sais pas c'est quoi son besoin. Je ne suis pas au courant, là. Je n'ai pas l'information, ce n'est pas aux nouvelles. Je vais prier pour la personne. Spontanément, là, le Seigneur lui met à cœur quelqu'un. Ça peut arriver n'importe quand. Bon, si le Seigneur t'en le met à cœur, pourquoi tu ne prends pas une petite pause? Puis j'ai juste prié pour cette personne-là, la remettre au Seigneur. C'est ça. Des fois, c'est juste admirer, là. Tu sais, tantôt, tu parlais des aurores boréales. Je ne sais pas si Jean-François qui disait ça. À chaque jour, là, le Seigneur repeint le ciel. Il n'y a jamais 2 journées que le ciel est pareil. Tu fais juste arrêter, mais des fois, là, c'est waouh, là, coucher de soleil ou un lever de soleil le matin, là, 6 heures du matin, pour ceux qui se lèvent de bonne heure. Le soleil qui se lève au-dessus des champs, là, c'est de toute beauté, là. Des fois, là, je suis dans l'auto, je me rappelle une fois dans l'auto, j'étais en direction de Trois-Rivières, j'allais faire une formation là-bas, puis c'est le soir, il neige, la grosse neige, là, puis il y a du trafic, puis à un moment donné, des explosions bleues dans le ciel. Mais c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça de ma vie. En fait, j'ai vu ça une fois, cette fois-là, mais quelqu'un m'a dit c'est des éclairs. Quoi? Des éclairs pendant une tempête de neige? Je sais pas. Mais, tu sais, t'as beau, là, on dirait que peut-être que t'oublies là où tu es, t'oublies les circonstances, c'est juste waouh, c'est impressionnant là. Ce qu'on peut juste dire, waouh, Seigneur, c'est impressionnant. Je comprends pas comment tu fais ça là, mais waouh. Tu sais, prier, c'est pas juste demander. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est écouter. C'est tout ça en même temps. C'est une relation que Dieu veut. Puis des fois, c'est juste rien dire, puis attendre. Ça va? Fait que donc. Ça, c'est, mettons, on va dire, les sujets, puis un peu l'attitude. Mais la parole de Dieu nous donne aussi à qui Dieu parle, puis qui parle à Dieu. Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Si vous faites ça, on va regarder un autre psaume qui dit ce que Dieu va faire. Mais si vous faites ça, ce que Dieu dit, c'est qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui passe en premier? Moi, mes besoins ou Dieu, sa volonté? De connaître Dieu. Est-ce que lire la parole de Dieu pour y réfléchir, ça ne retourne pas à « il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, puis il a mis ça là pour qu'on le cherche, qu'on essaie de comprendre, puis le seul endroit où on va le trouver, c'est dans sa parole. » Ah, on le voit dans la création, on observe « wow, tout puissant, etc. » Il est fidèle, il est stable, il est puissant, mais si je veux vraiment le connaître, il faut que j'aille voir sa parole. Si je passe du temps dans sa parole, là, je commence à connaître qui il est. Fait que quand je lui parle comme à quelqu'un que je connais, pas à quelqu'un que je connais pas, de qui j'ai des attentes qui sont illégitimes. Un autre passage, justement, qui va dans ce sens-là, psaume 37. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi, là, c'est dis-y comment ça va, hein? C'est de même, ça va. C'est ça que je vis, c'est comme ça, ça va. Puis là, on pourrait tout reprendre les sujets que j'ai parlé avant. Là, ça, c'est se confier en l'Éternel. Voici ce qu'on vit. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ce à quoi tu t'es engagé, ce que le Seigneur t'a confié, prends-en soin. Il n'y a rien qui t'appartient, mais tu en es le gérant. Alors, gère bien, sois fidèle dans tes engagements, dans tous tes engagements, même si les autres ne le sont pas. Fais de l'Éternel tes délices. On retourne à l'autre avant. Hein? Lis la parole de Dieu. Prends plaisir dans la parole de Dieu. Médite-la. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ben, si tu médites sur la parole de Dieu, tu cherches à connaître Dieu, ben, c'est quoi ton cœur désire? Dieu? Bon, ben, tu peux lui demander n'importe quoi selon sa volonté. Je pense que Christian l'avait mentionné, ça, là. N'importe quoi que tu demandes à Dieu selon sa volonté, il va te le donner. Pas nécessairement tout de suite. Pas nécessairement dans la forme que tu le demandes, mais il l'a entendu, puis il a déjà répondu. Il serait juste à attendre. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Mais si je mets en lui ma confiance, je vais retourner au verset 3. Confie-toi à l'Éternel, pratique le bien, aie le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Reste là, hein? Mets en lui ta confiance. Tu as dit ce que tu vis, inquiète-toi pas, il va agir. Il fera apparaître ta justice comme la lumière. Si ce n'est pas ici-bas, là, ça va être quand on va se présenter devant lui. Et ton droit comme le soleil à son midi. Mais dans les faits, là, c'est vrai ici-bas. Garde le silence devant l'Éternel. Arrête de chialer, arrête de critiquer, arrête de plaindre. Ah, tu peux soupirer, tu peux exprimer tes malheurs, tu peux exprimer tes inconforts, mais c'est différent de se plaindre. Je ne sais pas si vous me suivez. Je peux avoir mal au bras, là, J'ai le bras cassé, j'ai une plaque de métal, mettons, là. Ça vient d'être opéré, les points de suture sont encore là. OK, ça fait mal, mais je ne suis pas obligé de me plaindre. Je peux penser à d'autres choses. Je peux faire avec le reste de mon corps ce que je peux faire avec le reste de mon corps. C'est vraiment la notion ici dans la chose. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Philippiens 4, 5. Ne vous inquiétez de rien. Il faudrait l'écrire en gros, là. Ne vous inquiétez de rien. Rien. Rien, là, c'est rien. Il n'y a aucun sujet. OK? Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Là, je retourne aux deux passages qu'on a vus avant, hein? Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Fait que, ouais, j'aime vraiment pas la situation dans laquelle je suis. Mais merci Seigneur quand même que. Parce que toutes les que là, que je vais mettre autour font que la chose que je suis en train de vivre, c'est pas la fin du monde. Et en disant merci parce que, ça me rappelle à ma mémoire à moi que Dieu a été fidèle, il est présent, il prend soin des affaires. Des fois, c'était long, mais il a quand même pourvu. Des fois, il n'a pas réglé le problème, mais il a mis une patch. Tu sais, je ne sais pas, moi, le tuyau de l'évier, il coule, mettons. Bon, mais là, on a réussi à fermer le robinet ou la valve qui amenait l'eau. Fait que là, au moins, il n'est pas réparé, mais il ne coule plus. Bon, tu n'as plus de lave-vaisselle, mais au moins, tu n'as pas de dégâts d'eau. Non, mais c'est un exemple stupide peut-être, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Des fois, c'est vraiment pénible, mais en même temps, avec une attitude de reconnaissance. Pas de se plaindre puis de chialer. Et il dit au verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le diable, il veut t'amener ailleurs. Le Seigneur, il veut que tu restes là. Fait que si je cultive, si je fais de l'Éternel mes délices, si dans mes pensées je cultive ces choses-là, je refuse les autres. Tu sais, on va aller à la limite, là, avec des commentaires abaissants par rapport à d'autres. On fait des blagues, des fois, pour rire, mais ça l'abaisse quelqu'un, ça ridiculise quelqu'un, ça ridiculise une situation. Ça banalise des affaires qu'on ne devrait pas banaliser. Si mes pensées sont là, j'ai pas le temps pour ces niaiseries-là. Puis si j'ai pas le temps pour ces niaiseries-là, ben ma bouche va suivre mes pensées. Est-ce que vous savez ça? La bouche, c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ça veut dire que ce que j'ai dans ma tête, là, que je banalise, ça va sortir dans ma bouche. Plus vite que je le voulais, puis au pire moment que ça pourrait arriver. Puis ça devient embarrassant. Puis au pire, ça peut avoir blessé quelqu'un. Mais pas s'inquiéter de rien. Parler avec le Seigneur tout le temps. Observer ce qu'il est en train de faire. Lire sa parole. Puis mettre devant lui nos besoins, mettre devant, pas juste les miens, là, les besoins des autres aussi. Tu sais que quelqu'un vit quelque chose, ben tu le mets devant le Seigneur. Puis le Seigneur a dit qu'il va répondre. Et aussi dans Matthieu 6, je pense que c'était l'autre fois, là. Quand tu pries, fais-le pas en public, dans le sens que pour être vu. Fait quand on dit on va prier ensemble dimanche matin, on amène une requête de prière, ben c'est sûr qu'on l'amène devant tout le monde, là. Mais tu n'amènes pas une requête de prière pour te mettre en valeur, pour bien paraître, pour bien parler, ou juste pour parler, pour dire j'ai parlé, mais plutôt parce que, poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai à cœur quelque chose au niveau dans lequel on est, puis je le mets devant l'Assemblée pour qu'on prie là-dessus. OK? Mais quand on va dire on prie là-dessus, ce que le Seigneur regarde, là, c'est le cœur. Fait qu'il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, il y a un mouvement, là, tu sais, de s'en aller dans un garde-robe à quelque part, mettre les prières, les raquettes de prière, une chambre de bain, n'importe où, un petit bureau. Tu mets des... J'ai rien contre ça. Mais je pense pas que c'est le sens du lieu secret. Puis, juste un exemple, c'est ça sera pas long, ça en vient. Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. C'est la même affaire que la prière, là. OK? Regardez ce qui vient après. Mais à ton père qui est dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous, c'est la même phrase, exactement la même phrase. C'est dans le même Matthieu 6. C'est dans le fond, dans ton cœur. Et Dieu voit dans ton cœur. Fait que je peux parler avec ma bouche, maintenant qu'on prie ensemble. Mais est-ce que dans mon cœur, quand les autres ils prient, là, ils font juste écouter ce que je dis, ou dans leur cœur, ils sont en train de présenter la même requête à Dieu? Puis peut-être avec d'autres mots, peut-être d'une autre manière que celui-là qui est en train de prier à voix haute. Parce que c'est ça d'être dans les mêmes pensées, les mêmes sentiments dans un même cœur. Est-ce que ça va? Mais des fois, c'est personnel. Tu sais, tu te réveilles à 2h du matin, tu es tout seul dans ton lit, je ne vais pas appeler personne. Je ne me ferai pas des amis, je ne les appellerai pas. Bon, là, je suis seul dans ma chambre, puis je pourrais bien prier à voix haute, là, il n'y a pas de problème. Je suis tout seul. Ça arrive des fois. Ouais. Mais dans le fond, ça vient de mon cœur. Je ne veux pas compter des mantras à personne. Là, est-ce que vous me suivez? C'est vraiment l'attitude que Dieu veut dans la prière. On va y arriver. Donc, si je reprends les versets qu'on vient de voir, c'est dans le cœur, c'est nourri de la parole de Dieu, c'est en train d'observer ce qui se passe autour de moi, bien, ma prière, que je sois tout seul ou avec vous, ça peut être spontané, là. Ça peut être une prière qu'on répète souvent. Ça peut être une requête, je dirais, pour les autres. Poussé par le Saint-Esprit, ça peut être, on est en admiration de ce que Dieu vient de faire. Puis des fois, là, c'est pendant qu'on est en train de prier ou la louange, il y a une pause. On n'est pas obligé de la remplir, la pause. On peut attendre. Peut-être que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Hein? On va dire, on va prendre 15 minutes pour prier. Bon, ma première réaction, moi, c'est de dire, on va prendre 15 minutes pour prier. C'est boy, qu'est-ce qu'on va dire pendant 15 minutes? Ça, c'est ma première réaction. Mais après, je me parle, là. Puis là, je me mets en mode écoute. Bon, on va voir ce que Dieu va faire. Puis on est toujours béni, impressionné de ce que Dieu va faire. Mais des fois, il y a des périodes de silence. C'est correct. Mais je peux tout vous dire que si vous ne le faites pas en privé, vous ne le ferez pas en famille. Puis si vous le faites en famille, vous ne le faites pas en privé, vous le faites en famille, là, c'est superficiel. Puis si vous ne le faites pas en famille, c'est difficile de le faire en église maison. Parce qu'on sonne faux. Tu sais, mettons que je suis moi avec Nathalie, Philippe et les trois plus vieux, là, les jeunes. Mais mettons qu'on ne le ferait pas en famille, ils n'auront pas envie de le dire, quoi que ce soit, quand on est en église maison. Puis encore bien moins dimanche matin, quand on demande des requêtes de prière. Est-ce que vous me suivez? Fait que ça commence par toi, dans ton lieu secret, avec Dieu. Puis après, on est capable d'être à l'écoute des besoins des autres, parce qu'on est déjà à l'écoute de Dieu. Puis là, on est capable de partager puis prier ensemble. Puis si on passe du temps ensemble, bien, on se connaît. Fait que quand quelqu'un dit quelque chose, si je ne le connais pas, je vais l'interpréter d'une manière. Si je le connais, je vais dire, ah, je comprends ce qu'il veut dire. Puis des fois, les gens, ils ne parlent pas. Ça vous arrive-tu, ça? Les gens, ils ne parlent pas, mais tu sais très bien que ça ne va pas. Puis tu sais même pourquoi. On se connaît assez pour savoir que, OK, je sais ce qu'il a fait hier, je sais c'était quoi son défi hier, puis là, aujourd'hui, ça ne va pas. Fait que, tu sais, je ne suis pas obligé d'y demander. Je pourrais juste prier parce que je le sais. C'est comme ça. Mais si on ne le fait pas en privé, on ne le fera pas en famille, on ne le fera pas en église-maison, puis on ne le fera pas en assemblée. Et mon dernier verset, c'est dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Bon, mettez n'importe quoi à la place de sagesse, OK? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Quand tu pries, est-ce que Dieu entend? Oui, il entend. Est-ce que si tu pries sincèrement dans la volonté de Dieu, puis qu'il l'a entendu, lui, il est fidèle, il va répondre, c'est sûr et certain. Corrigez-moi si je me trompe. Il va répondre, c'est sûr et certain. Pas nécessairement au moment ou de la manière que j'aurais pensé, mais il va répondre. En fait, m'attendre à Dieu de quelque chose, là, c'est que je m'attends à « il va faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Fait que je ne vais pas me faire des scénarios, je ne vais pas essayer de deviner, je vais juste attendre, je vais observer, puis quand je vais le voir agir, je vais dire « ah, merci Seigneur ». C'est bon? Que Dieu vous bénisse.